Chapitre 19 Anne de Ferrare, princesse de Lorraine. 1. Un pendant à l'histoire de la duchesse de Bourgogne. Dans l'histoire des galanteries princières, nous avons depuis longtemps l'idée de donner un pendant au petit drame qui ouvre notre volume. On se rappelle cette malheureuse duchesse de Bourgogne, si cruellement punie de ses relations avec le duc Louis d'Orléans. Bien qu'elle ne portât point la couronne royale, nous n'avions pas hésité à lui reconnaître parmi les reines la place qui lui avait été marquée de son temps par sa naissance et sa fortune vraiment royale. Le duc Jean sans peur partageait avec le roi Charles et Isabeau de Bavière le pouvoir royal. Plus tard, à la maison de Bourgogne, succéda la même puissance, la maison de Lorraine. L'ancien royaume d'Austrasie ou de Lotharingie était, sous le titre de duché, un état souverain, comme l'ont été dans ces derniers temps les duchés italiens et les duchés et grands-duchés allemands. Les princes lorrains convoitaient la couronne de France et leur ambition menaça sans cesse les derniers Valois. François de Lorraine, duc de Guise, fut un des plus redoutables de cette maison funeste et dangereuse. Le plus grand souci du roi de France était de le voir au Louvre. Il craignait sans doute qu'il n'y restât définitivement et il cherchait tous les prétextes de sa politique d'intrigue pour l'éloigner de la cour. Mission politique ou expédition militaire, toute occasion lui était bonne pour se débarrasser de l'ambitieux Lorrain en attendant mieux, c'est-à-dire en attendant qu'il le fût assassiné. Jadis, ce n'était pas le canon, comme on l'a dit, mais le poignard qui était l'ultima ratio, la dernière raison des rois. Quelques années avant de s'être décidé à employer contre François de Guise cet instrument de règne, Henri III l'avait envoyé en mission dans le Midi. Surpris par l'ordre inattendu du roi, le duc avait dû laisser au Louvre la duchesse, sa femme, l'une des belles de la chrétienté, dit Brantôme. Anne de Ferrare, duchesse de Guise, aussi coquette que jolie, était assidue aux fêtes du Louvre et y tenait le rang de reine. Henri détestait le duc, mais n'avait aucune raison pour haïr sa femme. Et d'ailleurs, l'instinct de perversité qui était le trait principal de son caractère aurait suffi, la duchesse n'eût-elle été ni coquette ni jolie, pour le pousser à la courtiser. Mais ses avances furent d'abord assez froidement accueillies. Il s'en étonna, un roi alors était irrésistible. Ne se souvenait-il point du roi François Ier qui, une nuit, se rendant chez une dame de sa cour qu'il aimait, trouva son mari l'épée au poing, prêt à le tuer. Le roi lui porta la sienne à la gorge et lui déclara que, s'il résistait, il le tuerait ou lui ferait trancher la tête, et pour cette nuit l'envoya dehors et prit sa place. Onque depuis, ajoute la chronique, riche en exemples de ce genre, le mari n'osa sonner mot, mais lui laissa du tout faire à sa guise. D'ailleurs, Henri le Troisième se plaisait à se venger du mari en séduisant sa femme. Voici deux anecdotes qui le prouvent et que nous empruntons à Brantôme en en supprimant les expressions trop crues. « J'ai connu, dit-il, un grand prince, lequel ayant reçu quelques traits de rébellion par un sien sujet grand seigneur, et ne se pouvant venger de lui, d'autant qu'il le fuyait tant qu'il le pouvait, de sorte qu'il ne le pouvait aucunement attraper. » Sa femme, étant venue un jour à la cour solliciter l'accord et les affaires de son mari, le prince lui donna une assignation pour en conférer un jour dans un jardin et une chambre là, auprès. Mais ce fut pour lui parler d'amour. Il ne se contenta point de la séduire, mais à d'autres la prostitua jusqu'aux valets de chambre et par ainsi, disait le prince, qu'il se sentait bien vengé de son sujet pour lui avoir couronné la tête d'une belle couronne de cornes, puisqu'il voulait faire du petit roi et du souverain. Au lieu qu'il voulait porter couronne de fleurs de lys, il lui en fallait bailler une belle de cornes. Noble vengeance, n'est-ce pas? Elle avait pour objet, croyons-nous, Henri de Lorraine, duc de Guise, tué à Blois. La seconde est de même nature, et l'on suppose qu'elle eut Marguerite de Valois pour victime. Ce même prince en fit de même par la suasion de sa mère. Il séduisit une jeune princesse. Sachant qu'elle devait épouser un prince qui lui avait fait déplaisir et troublé l'état de son frère bien fort, et puis, dans 2 mois, fut livrée au dit prince pour pucelle prétendue et pour femme, dont la vengeance en fut fort douce, en attendant une autre plus rude qui vint après, la Saint-Barthélemy. De pareilles vengeances nous paraissent aujourd'hui aussi ignobles que lâches. À la cour des Valois, elles excitaient presque de l'admiration. Brantôme les rapporte comme des traits d'esprit. Mais revenons à la troisième vengeance. Contre son attente, disions-nous, la duchesse lui résista. Alors il changea de ton. De galant qu'il était, il devint froid et menaçant. Le chat-tigre montra les griffes. L'amoureux disparut et fit place au tyran. La duchesse, en définitive, abandonnée au Louvre, était à sa discrétion. Elle trembla d'abord pour son honneur, puis pour sa vie, puis bientôt après pour celle de son mari. Le roi disait en sa présence que les nouvelles qu'il recevait du Midi ne lui donnaient aucun contentement. Il ne parlait du duc qu'avec aigreur et donnait à entendre qu'il saurait bien se venger de lui. La pauvre femme l'écoutait frémissante, sans se méprendre sur la véritable cause de cette colère et se demandant avec anxiété ce qui en résulterait. Henri, avec sa perfidie féline, semblait se faire un jeu de cette erreur et s'étudiait à les accroître. Il avait en outre pour complice sa mère, la vieille Catherine, et toutes les femmes de sa cour. En vain la pauvre femme pressait-elle le retour de son mari. Plusieurs mois s'étaient déjà écoulés et il ne parlait point de son retour. Le chagrin la rendit malade. Elle cessa de paraître aux soirées de la cour et demeura enfermée chez elle. Informé de son état, Henri affecta d'en être touché et voulut lui faire visite. Il la trouva dans un fauteuil, pâle, les yeux brûlants de fièvre et plus belle que jamais. Il s'informa d'un air doucereux des causes de ses souffrances. « Sire, lui répondit-elle, je n'en ai point d'autre que le chagrin et l'inquiétude où me plonge l'absence de monseigneur François. « Tâchez donc de vous remettre, madame, dit Henri, et de prendre patience, car le duc ne peut être de retour ici avant longtemps. Un si long veuvage est cruel pour une femme jeune et aussi belle que vous êtes, mais il n'est ni si grand mal qui n'est son remède, et je veux m'efforcer de réparer le mal que je vous cause en éloignant ainsi de vous votre mari pour le service de l'État. Mais du moins, mes efforts vous seront-ils agréables, et ne risquerai-je point de vous déplaire à vouloir trop vous aimer ? Pouvait-elle dire non ? Tant d'ingratitude eût été une mortelle injure, et quelques jours plus tard, la duchesse reparut aux fêtes de la cour dont elle fut la reine. Mais depuis ce temps, elle ne pressait plus le duc de revenir à Paris. Autant elle avait désiré ce retour, autant elle avait de raisons de le redouter. 2. Le mari. 14 mois s'étaient écoulés depuis le départ du duc François de Guise. La vengeance du roi Henri avait été aussi complète que possible. Elle était même satisfaite jusqu'à la satiété, et la malheureuse princesse de Lorraine vivait seule, reléguée dans son appartement dont elle avait dû renoncer à franchir les portes. Elle allait bientôt être mère. On lui annonça le retour de son mari. Elle connaissait la lâcheté de Henri III. Elle ne douta point que celui-ci ne l'abandonnât à la juste colère de son mari et s'apprêta à tenir seule tête à l'orage. Ne pouvant se rendre au-devant du duc, elle se mit au lit sous prétexte d'indisposition et l'attendit. L'hospitalité royale la mettait à l'abri des premiers emportements de François de Lorraine, et, le premier moment passé, elle était femme assez habile pour faire admettre au duc ses excuses. C'était une maîtresse-femme, comme on va le voir. Dès qu'il entra chez elle, la duchesse congédia ses femmes. Il s'empressa vers elle et l'embrassa. « Je viens d'apprendre à l'instant, dit-il, que vous êtes souffrante, mais on a pu me dire ce que vous avez. » « Et j'en suis heureuse, monsieur. »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce que mon mal ne doit être connu que de 3 personnes au monde, le roi, moi et vous. »« Que voulez-vous dire ? Vous m'alarmez. N'avez-vous pas consulté votre médecin ?» « Je n'ai pas besoin de son avis, et je ne sais que trop à quoi m'en tenir. Ni mes jours ni ma santé ne sont en danger. Mais si j'étais assurée contre les mouvements de votre surprise et d'une colère trop prompte à s'enflammer, je pourrais de suite vous instruire de l'état fâcheux où je suis. Parlez, je vous en conjure. Savez-vous que ces paroles ambiguës sont bien propres à me faire concevoir les plus étranges soupçons ? Vous avez donc sujet de redouter ma colère ? Oui, monsieur. Mais au premier mot que j'ai à vous dire, et non après que vous aurez entendu mes explications, si vous me promettez de m'écouter avec patience. « Parlez !» s'écria le duc d'un ton impératif. « Vous me laissez trop à supposer. Il n'y va pas de mon honneur, au moins. » La duchesse garda le silence. « Ah ! Vous ne répondez point » cria-t-il en pâlissant de fureur. « Malheureuse, je devine l'état honteux où vous êtes. Ah ! J'en tirerai vengeance. Mais le nom du coupable, son nom. Vous ne sauriez l'atteindre. Qui ? Le roi. À ce nom, François de Guise s'arrêta frappé de stupeur. Il réfléchit quelques instants. Sans doute, selon les préjugés de son époque, trouva-t-il le déshonneur moins grand. Cependant, il fallait que justice fût faite, et, ne pouvant atteindre le premier coupable, il allait tourner sa légitime colère contre l'autre. « Le roi !» répétait-il avec accablement. Alors la duchesse, profitant de son étonnement, de son silence, essaya de se justifier. « Monsieur, lui dit-elle, nous empruntons son discours à Brantôme. L'événement de votre voyage en est cause, qui a été si mal reçu de votre maître, car il n'y fit pas bien certes ses affaires, et, en votre absence, on vous a tant prêté de charité pour n'y avoir point fait ses besognes, que, sans que votre seigneur se mît à m'aimer, vous étiez perdu. Et pour ne pas vous laisser perdre, monsieur, je me suis perdu. Il y va autant et plus de mon honneur que du vôtre. Pour votre avancement, je ne me suis épargné la plus précieuse chose de moi. Jugez donc si j'ai tant failli, comme vous le diriez bien, car autrement votre honneur et faveur y eût été en branle. Vous êtes mieux que jamais. La chose n'est si divulguée que la tâche vous en demeure trop apparente. Sur cela, excusez-moi et me pardonnez. » La colère du mari tomba. Il est regrettable que Brantôme ne nous ait pas donné sa réplique. Fit-il au moins quelque objection? Seulement le chroniqueur ajoute, le beau-frère, qui savait dire des mieux et qui, possible, avait part à la Grèce, y en ajouta autres belles paroles et prégnantes, si bien que tout servit, et pour ainsi l'accord fut fait, et furent ensemble mieux que devant, vivant en toute franchise et bonne amitié, dont pourtant le prince, leur maître, qui avait fait la débauche et le débat, ne l'estima plus, ainsi que j'ai ouï dire, comme il en avait fait, pour en avoir tenu si peu de compte à l'endroit de sa femme, et pour l'avoir bu si doux, tellement qu'il ne l'estima depuis de si grand cœur comme il l'avait tenu auparavant, encore que, dans son âme, il était bien aise que la pauvre dame ne pâtît pour lui avoir fait plaisir. Je n'ai vu aucun et aucune excuser cette dame, et trouver qu'elle avait bien fait de se perdre pour sauver son mari et le remettre en faveur. Oh, qu'il y a de pareils exemples à celui-ci! Et encore un d'une grande dame qui sauva la vie à son mari, qui avait été jugé à mort en pleine cour, ayant été convaincu de grandes concussions et malversations en son gouvernement et en sa charge, dont le mari l'en aima après toute sa vie. On sait comment se termina la vie de François de Guise. Il assiégeait Orléans et allait se rendre maître de la ville lorsqu'il fut assassiné par un gentilhomme nommé Poltrot de Méré, qui le tua d'un coup de pistolet. Il mourut 6 jours après de sa blessure, le 15 février 1563. Anne de Ferrare, son épouse, l'avait précédé dans la tombe.